Section 13 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Chapitre 3. La guerre de Cent Ans. Deuxième partie. 1380-1453. Troisième sous-partie, Charles VII et la délivrance, par Alfred Coville. La résistance jusqu'en 1429. La mort de Charles VI et de Henri V faisait une situation vraiment nouvelle. Du côté d'Angleterre, il n'y a plus qu'un enfant de 10 mois, Henri VI. Le duc de Bourgogne a refusé d'être régent au nom de ce soi-disant roi de France. C'est un Anglais, le duc de Bedford, qui sera régent de ce côté-ci de la Manche. Paris était occupé militairement. En même temps, le dauphin prenait le titre de roi. À la Toussaint de 1422, il se montra en pourpre royale à la cathédrale de Bourges. C'est là qu'il vécut le plus souvent, ainsi qu'à Loches, Chinon et Tours, dans les pays de la Loire que les Anglais n'avaient pas encore atteints. On l'appelait le roi de Bourges ou encore le dauphin parce qu'il n'avait pas été couronné à Reims. C'était un prince dévot, indécis, impressionnable. Il portait en lui une terrible angoisse. Sa mère l'avait renié. Il avait grandi loin d'elle. Était-il bien fils de roi? Ses domaines étaient réduits. C'étaient les pays au sud de la Loire, moins la Guyenne et la Gascogne, avec le Lyonnais, le Dauphiné, l'Anjou et le Maine. Anglais et Bourguignons règnent partout ailleurs. Les forces ne semblaient pas égales. Le roi de Bourges avait bien son parlement et son université à Poitiers, sa chambre des comptes à Bourges. Ce n'était que des ombres. Ses ressources pécuniaires étaient infimes. Autour de lui se nouaient de perpétuelles intrigues qu'il favorisait par ses caprices et ses affections changeantes. Malgré tout, c'était un roi français, né en France. Dans ce titre, il puisa une force de résistance inouïe. Il y trouva surtout une source de dévouement infini. C'est ainsi que Charles VII peut disputer la France à l'ennemi de 1422 à 1429, en détail, pays par pays, ville par ville. Il y a bien des échecs, de véritables défaites, comme à Cravant-sur-Yonne en 1423, à Verneuil en 1424. Heureusement, le roi a autour de lui des hommes audacieux et rudes, toujours prêts à combattre, jamais découragés, comme Barbazan, La Hire, le maréchal de Boussac, le connétable de Richemont de la maison de Bretagne. S'ils gagnèrent peu de choses en ces années douloureuses, ils résistèrent. Mais à force de résister, l'épuisement serait arrivé si un secours imprévu n'était venu. Un prince, il est vrai, pouvait décider du salut du royaume. C'était le duc de Bourgogne, Philippe le Bon. Mais le souci de la vengeance de son père avait achevé de le faire anglais. Il ne désarmait pas. Égoïste et sensuel, hautain et fastueux, il ne voulait être que bourguignon. Il n'avait même pas voulu de la régence de France. Une alliance étroite avec Bedford et les Anglais lui suffisait. À peine écoutait-il les démarches pacifiques du comte de Savoie. Un Anglais fit mieux pour le convertir que tous les malheurs du royaume. Gloucester voulut s'emparer de vives forces de l'héritage de Hainaut, et le régent de Bedford ne put rien pour arrêter son frère. Philippe le Bon ne pardonna pas aux Anglais. Au début de 1425, une trêve fut conclue entre le roi de Bourges et le duc de Bourgogne. Plusieurs fois renouvelée, elle suspendit, ou du moins entrava les hostilités, laissant ainsi toutes les forces libres contre l'étranger. Au milieu des pires infortunes, c'était là un succès diplomatique qui semblait annoncer un avenir meilleur. D'heureux symptômes se manifestaient. Le duc de Bretagne fait sa paix. Bedford est obligé de retourner en Angleterre où les troubles commencent. Les bourgeois de Rouen appellent Charles VII. Toutes ses espérances s'évanouirent de nouveau les unes après les autres. Le duc de Bretagne retourna aux Anglais. Le duc de Bourgogne laissa ses lieutenants se joindre aux ennemis du royaume. les Anglais ne cessaient d'avancer. En 1428, un grand danger menace le cœur même du royaume. Le 24 juin, le comte de Salisbury est débarqué à Calais avec une armée. Il s'avance au sud de Paris à travers la Beauce et, le 12 octobre, met le siège devant Orléans, qui protégeait les pays au-delà de la Loire. La ville était bien fortifiée, mais tous les avantages semblaient du côté des Anglais. Vainement, les États, à Chinon, accordaient des subsides qui ne devaient point rentrer dans les caisses royales. Le roi, poursuivi par une sorte de fatalité, voyait toujours ses besognes venir au contraire et persévérer de mal en pis. On conseillait au roi de sacrifier la moitié de son royaume, de se retirer en Dauphiné ou en Castille. Lui-même songe à l'Écosse et prépare son embarquement à La Rochelle. C'est alors que Jeanne d'Arc parut. Jeanne d'Arc. La mission de Jeanne d'Arc est un des épisodes les plus extraordinaires de l'histoire. On l'a interprétée de tant de manières diverses, en partant de points de vue si différents qu'il faut avant tout raconter les faits très simplement. Jeanne d'Arc est née le 6 janvier 1412 à la limite de la Champagne et des duchés de Bar et de Lorraine, au bourg de Domrémy-sur-la-Meuse, en terre française et royale. Sa famille était originaire du Barrois. Son père avait une situation aisée. Il possédait quelques biens et faisait l'aumône. Sa fille, qui s'en allait parfois à la garde du bétail commun, n'était pas à vrai dire une bergère. Elle fut une très pieuse fille, élevée à l'ombre de l'église paroissiale, se confessant et communiant souvent, brûlant des cierges, faisant de fréquentes visites aux chapelles du voisinage. Une cloche entendue à travers la campagne la faisait tomber à genoux en prière. Forte et bien conformée, grande, du moins pour son sexe, un peu brune de teint, avec des cheveux noirs, douée d'une force peu commune, qui contrastait avec une voix d'une douceur féminine, modeste dans son maintien, gracieuse et enjouée dans le commerce ordinaire de la vie. Telle la représentent les contemporains. Elle menait une vie simple et sage quand elle commença, en 1425, sous les ombrages du jardin paternel, à entendre des voix, celles de l'archange Saint-Michel, de Sainte-Catherine et de Sainte-Marguerite. Et Saint-Michel commença à lui dire que Dieu avait grand pitié pour le royaume de France et qu'il fallait qu'elle vînt en France. Pendant 3 ans, elle crut entendre ses voix bien-aimées. Elle devenait plus pressante. 2 ou 3 fois par semaine, elle lui répétait qu'il fallait partir pour que la France, qui a été perdue par une femme, soit sauvée par une vierge. Elle se fit conduire par un cousin au capitaine de Vaucouleurs, le sire de Baudricourt. Elle lui annonça la délivrance du royaume, elle lui révéla comment, par la volonté du roi du ciel, elle mènerait bientôt le roi de France se faire sacrer à Reims. Il la renvoya avec de mauvaises paroles. Puis elle dut fuir quelques jours Domrémy, attaquée et brûlée par les Bourguignons, et se réfugier à Neufchâteau. Son père redoutait ses étranges projets, qu'elle s'efforçait de cacher, mais qui étaient déjà connus. « Quand j'aurai eu 100 pères et 100 mères, disait-elle plus tard, quand j'aurai été fille du roi, je n'en serai pas moins partie. » Elle repartit en effet pour Vaucouleurs. Cette fois, on l'écouta tant elle était convaincue. « Il faut que je sois devers le roi quand je devrai user mes jambes jusqu'aux genoux. Car nul au monde, ni roi ni duc, ni fille du roi d'Écosse, ni autre, ne peut recouvrer le royaume de France, et il n'y a de secours à attendre que de moi. » Certes, j'aimerais bien mieux filer auprès de ma mère, parce que ce n'est pas mon état. Mais il faut que j'aille et que je le fasse, parce que mon Seigneur veut que je le fasse. Les habitants se cotisèrent pour lui donner un équipement militaire. Elle était habillée d'un justaucorps noir, de chausses attachées à ce justaucorps par des aiguillettes, d'une tunique ou robe courte de gros gris noir, d'un chapeau noir, de housseaux armés d'éperons enveloppant les chaussures, et enfin d'une épée. C'était le temps où le siège d'Orléans remplissait d'angoisse tout le royaume. Le carême de 1429, temps marqué par Jeanne, était arrivé. Après bien des hésitations, Baudricourt la fit partir de nuit avec 2 hommes d'armes et 4 servants, sur de bons et solides chevaux. 25 février 1429. La petite troupe allait chercher le roi à Chinon. Telles sont les origines de Jeanne d'Arc. Un historien récent a montré tout ce qu'elle a dû aux circonstances locales qui ont entouré son enfance. il a décrit l'esprit patriotique des habitants de Dorémy, terre royale, à la frontière du pays ennemi, leurs inquiétudes et leurs souffrances de chaque jour au milieu de routiers impitoyables, l'incertitude d'une vie toujours menacée dans ces villages de la Meuse, les prédications, les pèlerinages de toutes sortes qui y avaient exalté la dévotion. À la lumière de tous ces petits faits qu'il a fort habilement groupés, tout s'éclaire dans cette touchante histoire. Jeanne d'Arc semble résumer en elle toutes les angoisses, toutes les pitiés et toutes les espérances de ces campagnes françaises où elle était née et avait grandi. Quelle disposition Jeanne d'Arc allait-elle trouver à Chinon ? La cour de Charles VII était un milieu peu favorable à l'enthousiasme et à l'énergie, tout occupé d'intrigues incessantes que le roi ne savait pas dominer. S'il n'était pas l'homme avide de plaisir et sans moralité que l'on a souvent dépeint, si Agnès Sorel n'a pas encore paru à la cour, on ne saurait contester sa docilité à l'égard de ses favoris, sa bienveillance aux mauvais conseils. Au sire de Giac, au connétable de Richemont, avait succédé en 1427, dans la grâce de Charles VII, le sire de la Trémoille, uniquement soucieux de s'enrichir et de confisquer le roi. Le conseil du roi était mal composé. Le chancelier, Renaud de Chartres, était un esprit étroit et malveillant. Le 6 mars 1429, on annonçait au château de Chinon qu'une jeune pucelle, des Marches de Lorraine, venait d'arriver sous l'escorte de deux jouvenceaux. Venait-elle de Dieu ou du diable ? Le conseil l'interrogea. Charles VII décida de l'entendre. Jeanne fut reçue dans la grande salle du château à la lueur des torches. Le roi, en costume très simple, se dissimulait au milieu des seigneurs. Du premier coup, elle le reconnut. Elle obtint de lui parler en particulier pour lui dire certaines choses secrètes. Elle calma sans doute les scrupules qui étaient venus assaillir cette âme timide sur la légitimité de sa naissance. « Je te dis de la part de Messire que tu es vrai héritier de France et fils de roi. » Charles VII fit honneur à Jeanne, la logea, la reçut souvent. Elle lui répétait « J'ai deux choses en mandat de par le roi du ciel, l'une de faire lever le siège d'Orléans, l'autre de conduire le noble dauphin à Reims pour y être sacré. » Cependant, pour donner toute garantie à sa conscience, le roi la fit interroger par des hommes d'église, puis examinée de nouveau à Poitiers. Elle sortit victorieuse de ses épreuves. Le 22 mars, la pucelle fut déclarée chef de guerre. Aussitôt, elle écrivit, de par Dieu, aux Anglais d'Orléans d'avoir à se conformer aux volontés célestes et d'abandonner le siège. Le 27 avril, elle part de Blois avec une petite armée au chant des Cantiques. Devant elle, un page porte sa bannière, ornée de deux anges offrant à Dieu une fleur de lys. C'est la délivrance qui commence. Une jeune fille l'a entreprise. Jamais l'histoire n'a été plus voisine du miracle. Délivrance d'Orléans. Orléans avait été assiégé, mais non investi. Établi aux Tournelles, à la tête du pont de la Loire sur la rive gauche, et à Saint-Laurent, les assiégeants avaient d'abord laissé un côté libre par où venaient aux assiégés des nouvelles et des renforts. Mais, contre 9000 Anglais très aguerris, il n'y avait dans la ville que 6000 combattants, presque tous bourgeois. Peu à peu, le blocus s'était resserré. La Loire, les routes principales furent fermées et les privations commencèrent. Dès le mois de mai, cependant, on a entendu parler de la pucelle. Il n'y a plus d'espoir que dans ce secours céleste. En effet, le 30 avril, Jeanne arrive. Les troupes qui l'accompagnent ne peuvent passer la Loire. Elle entre seule, accompagnée du bâtard d'Orléans. Elle amène des vivres, elle apporte surtout la confiance. Le soir, les bourgeois la reçoivent comme s'ils eussent vu Dieu descendre au milieu d'eux. Le peuple ne peut se saouler de la regarder. Le 4 mai, les troupes royales arrivent devant la place. Le combat commence d'une façon inattendue. Jeanne s'arme à la hâte et saute à cheval. Elle assaille pendant 3 heures la Bastille Saint-Loup et l'emporte. C'est un premier succès. Les capitaines français veulent continuer les opérations sans la consulter. Elle les démasque et s'impose à eux. Le 5 mai, nouvelle Bastille emportée sur la rive gauche. Les capitaines veulent encore attendre des renforts. Elle n'en tient compte. Les hommes d'armes la suivent. Les fortifications anglaises du pont sont attaquées. Dans l'après-midi, Jeanne est blessée à l'épaule. Elle continue. Au soir, les chefs veulent rentrer. Elle obtient un nouvel assaut, qui est une nouvelle victoire. Les Anglais ne peuvent continuer le siège. Le lendemain, en deux colonnes, ils quittent les abords de la place, et c'est au son des cloches que les bourgeois d'Orléans fêtent leur délivrance. Charles VII avait attendu dans l'anxiété le résultat des opérations. Aussitôt qu'il apprit la victoire, il en écrivit le récit ému aux Bonnevilles, demandant leur prière pour lui et pour la vaillante Pucelle. Jeanne quitta Orléans aussitôt et vint le trouver aux environs de Tours. Elle le salua, il l'embrassa. Mais que faire ensuite? On parlait d'une expédition en Normandie. On perdait du temps en bonne chère. Jeanne ne variait pas. Elle voulait aller à Reims faire sacrer celui qu'elle appelait toujours le dauphin. Ses voix la pressaient, car elle ne durerait qu'un an. Malgré la résistance du conseil, en dépit des conférences et des interrogations, le roi se décida enfin pour la Pucelle. L'inspiration triomphait de la prudence. Marche sur Reims. Rendez-vous fut fixé à Gien pour le voyage de Reims. En attendant, il faut encore agir et combattre pour débarrasser les rives de la Loire. En juin, Jargeau, le pont de Meung, Beaugency sont emportés par la Pucelle. Elle bat encore les Anglais à Patay. Talbot disait que de cette heure, le roi était maître de tout et qu'il n'y avait plus de remède. Ce n'était pas encore fini de tant de difficultés et d'obstacles. Jeanne avait accepté à Patay le concours du connétable de Richemont, alors dans l'indignation du roi. Elle voulait le faire rentrer en grâce. La Trémoille redoutait cette puissante influence. Il fit écarter Richemont du voyage de Reims. Il indisposa le roi contre la Pucelle, décourageant les bonnes volontés, retardant par son égoïsme le salut du royaume. « Pourquoi doutez-vous ? » disait Jeanne au roi. Comme il ne partait pas, elle se mit au champ toute seule le 27 juin. Le roi se décida à la suivre deux jours après. Ce voyage, représenté comme impossible, fut facile. La Trémoille empêcha d'entrer dans la place si importante d'Auxerre. À Troyes, l'armée resta 5 jours devant les murs sans artillerie et sans vivres. Le conseil était d'avis de renoncer à l'expédition. Il faut encore que Jeanne intervienne, qu'elle promette la reddition de la ville pour le lendemain. Le frère Richard, le prédicateur enflammé qui troublait les Anglais en annonçant l'Antéchrist, travaille pour le roi dans la ville. Comme par enchantement, les habitants perdent toute assurance et capitulent le 11 juillet. La route de Reims était libre. Jusqu'aux portes de la ville, le roi doutait et tremblait. Enfin, le 16 juillet, il fait une entrée triomphante au cri de Noël. Le lendemain matin a lieu le sacre. La Pucelle y assiste auprès du roi, tenant sa bannière en main. Elle se jette aux genoux du roi et dit en pleurant « Gentil roi, il est exécuté le plaisir de Dieu qui voulait que vous vinssiez à Reims recevoir votre digne sacre en montrant que vous êtes vrai roi et celui auquel le royaume doit appartenir. Sa gloire est alors dans tout son éclat. Son nom est répandu partout. Son image est vénérée comme celle d'une sainte. On lui écrit, on la consulte. Elle est anoblie, elle a des armoiries, une maison princière. Mais elle reste simple, sans orgueil, toujours soucieuse des humbles et des petits, toujours pieuse et sereine. Sous Paris. Après Reims, la première pensée de tous fut pour Paris. Le roi lui-même était impatient. Toutes les villes autour de Paris faisaient leur soumission. L'armée avança jusqu'à Lagny. On crut avoir bataille avec Bedford, mais l'attente fut vaine. Jeanne voulait à toute force aller voir Paris. Elle vint jusqu'à Saint-Denis. Une attaque malheureuse fut tentée. La Pucelle fut blessée et ramenée à Saint-Denis. À Paris, le parti anglais avait empêché tout complot français. L'armée battit en retraite et revint sur la Loire. Septembre. 8 mois vont se passer encore à combattre obscurément. Jeanne continue à se dépenser avec constance. La Trémoille n'a pas voulu la laisser aller en Normandie, où il y a tant à faire. Elle use ses forces dans des opérations secondaires. L'hiver se passe dans l'inaction à Jargeau, à Bourges, à Sully. Cette vie lui pèse. Déjà à Reims, elle a senti, après tant de labeur, un grand besoin de repos. Je voudrais qu'il plût à Dieu, mon Créateur, que je puisse maintenant partir, abandonnant les armes, et aller servir mon père et ma mère en gardant leurs brebis avec ma sœur et mes frères, qui seraient bien joyeux de me voir. Quoique blessée, elle avait voulu rester à Saint-Denis pour surveiller Paris. On l'en avait fait partir malgré elle. Au printemps de 1430, elle n'y tient plus. Elle disparaît. Elle va combattre au nord de Paris. Ses voix lui disent qu'elle sera prise. Qu'importe. Compiègne. La place de Compiègne est très menacée par les Anglais et les Bourguignons. Elle y court. Le 20 mai 1430, la place est assiégée. Jeanne est à Crespy, aux environs. La garnison l'appelle. Elle arrive le 23 mai. Le soir, elle attaque les Anglais. Les hommes d'armes qui l'accompagnent sont pris de panique. Elle est entourée. Un archer de pied la jette à terre, la remet à son chef, qui à son tour la remet à Jean de Luxembourg, son seigneur. Elle était maintenant aux mains des Bourguignons. Mais les Anglais la volent. Ils sont prêts à l'acheter à tout prix. Elle sait qu'elle sera vendue. Elle veut s'évader. En descendant par la fenêtre, elle fait une chute terrible. Luxembourg a été obligé d'abandonner Compiègne. Furieux, il livre sa prisonnière, argent comptant. Jeanne est transportée à Rouen. Procès de Jeanne d'Arc. Dès lors, commença pour Jeanne un long martyre, une véritable passion, qui dura du 28 décembre 1430, date de son arrivée à Rouen, au 30 mai 1431, date de son exécution. 5 mois entiers. À Rouen, elle est enfermée dans une tour du château. On l'y tient dans une cage, la chaîne au cou, les fers aux pieds. Elle est surveillée par des soudards féroces, des houspilleurs. Les Anglais la craignent comme une sorcière dont il faut conjurer les maléfices et qui leur porte malheur. Que va-t-on faire d'elle? L'ambition du gouvernement anglais est de la faire juger et condamner, d'après les lois de l'Église, comme sorcière et hérétique. À titre d'hérétique, des juges empressés la réclament. C'est d'abord l'Université de Paris qui s'est déjà proposée au lendemain de la prise. Elle offre ses savants maîtres comme juge. Elle veut être associée à la sentence. Elle demande que le procès se fasse chez elle, à Paris. C'est aussi l'évêque de Beauvais, Pierre Cochon, qui revendique la pucelle pour sa juridiction, car elle a été capturée dans son diocèse. Les chefs anglais qui remplacent Bedford à Rouen décident que tout se fera à Rouen, car Paris n'est pas sûr. L'université est fort empressée, mais trop indépendante. À Rouen, point d'archevêque, le siège étant vacant. Le chapitre, bien qu'à regret, donne toute permission. Cochon peut installer son tribunal dans la ville. Il appelle à son aide non l'inquisiteur de la province, occupé ailleurs, mais le vice-inquisiteur, bon moine, qui hésite et qui tremble, mais que de salutaires menaces mettent à la raison. Pour donner un semblant de satisfaction à l'université, un certain nombre de maîtres sont appelés comme assesseurs. On y joint des chanoines et des abbés de Rouen, et 12 avocats en cour d'église. Un chanoine de Beauvais fait l'office de promoteur. Environ 75 personnes prennent ainsi part au procès. Toutes les formalités de la justice ecclésiastique étaient réunies, multipliées pour accabler cette pauvre fille des marches de Lorraine. Rien n'était de trop pour la flétrir publiquement avant de l'immoler. Les Anglais y attachaient un grand intérêt politique. Condamnée par l'Église, ses conquêtes devenaient sacrilèges. La cause anglaise se confondait avec celle de l'Église. Jeanne comparut pour la première fois le 20 février 1431. Les séances et les détails du procès nous sont parvenus dans un fragment du procès-verbal français et dans un procès-verbal latin entier, dressé avec grand soin par le greffier rouennais Manchon. Il est vrai qu'il y a des erreurs, des changements imposés par les juges, des lacunes évidentes. Malgré tout, le document est de premier ordre, plein de vie et d'émotion, donnant admirablement l'impression que cette chose inouïe, un duel de 3 mois entre une pauvre fille, simple et jeunette, est tout un tribunal d'ecclésiastique, retors et haineux. Le premier jour fut bien jugé du reste. Jeanne est amenée enchaînée devant l'évêque et 43 assesseurs. Elle est interrogée, mais sans cesse interrompue par des questions, des cris, des injures. À partir du lendemain, il n'y a plus d'ordre. Mais le supplice n'est pas moindre. Les séances se succèdent, longues et fréquentes, 3 heures le matin, quelquefois autant le soir. Il lui faut répondre à tous. « Beau Seigneur, dit-elle, faites l'un après l'autre. » Elle doit veiller à ce que ses propos ne soient pas dénaturés par les greffiers, avoir l'esprit toujours libre et attentif. Sur quoi l'interroge-t-on ? Sur 12 articles précis, perfides, spécieux, qui sont le point de départ d'étranges questions, l'enserrant comme les mailles d'un filet étroit. On lui demande si elle est en état de grâce. De sa virginité, on ne peut douter, parce qu'il y a eu examen préalable. On lui fait un crime d'avoir revêtu des habits d'homme, d'avoir abandonné sa famille, d'avoir pris part à des batailles. Contre son costume masculin, on invoque un canon, oublié, d'un antique concile du IVe siècle. On lui reproche les lettres qu'elle a écrites, ses prédictions naïves, sa tentative d'évasion, etc. Surtout, on la tourmente au sujet de ses apparitions, de ses voix. Or, c'est comme la pudeur de son âme. Elle ne veut rien dire de précis. Ses réponses sont vagues et ironiques. Qu'a-t-elle du reste à répondre de sérieux au théologien qui lui demande si Saint-Michel lui était apparu tout nu ? Mais dans toutes ses réponses, il y a une sorte d'indépendance inconsciente qui est très dangereuse pour elle, irritante pour ses juges. Il parle au nom de l'Église, elle ne veut pas leur révéler les secrets de ces saintes, de ce Dieu au nom desquels parle l'Église. Elle révère l'Église et le sacerdoce, mais elle croit avant tout à son inspiration propre, au mouvement de son âme. C'est pour elle l'autorité suprême qu'elle est prête à confesser même au milieu des flammes. On essaye de la menace. Le 9 mai, Jeanne est amenée dans la grosse tour, au milieu des instruments de torture. Elle reste inébranlable. Vraiment, devriez-vous me faire rompre les membres et partir l'âme hors du corps, je ne vous dirai autre chose. Et si aucune chose vous en disais-je, après dirai-je toujours que vous me l'avez fait dire par force. 3 assistants se déclarèrent pour l'application de la torture. On y renonça. Cependant, il fallait rendre la sentence. Cochon avait tout conduit méthodiquement. À Saint-Bernard, l'Université de Paris s'était déjà prononcée. Elle avait déclaré Jeanne schismatique, hors la foi, apostate, vicieuse, devineresse, égarée, abusée, etc. Et décidée que, si elle ne voulait pas revenir à l'obéissance et à la foi, elle devait être livrée aux bras séculiers. Cette consultation était le prélude de la fin. Le 23 mai, une grande cérémonie a lieu au cimetière de Saint-Ouen, devant un imposant auditoire ecclésiastique, un cardinal anglais, 4 évêques, dont un anglais seulement, plusieurs abbés. Un théologien prononça un méchant sermon sur ce thème. Le sarment ne saurait de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep. Il y attaqua violemment Charles VII. Jeanne l'interrompit avec indignation. Il termina en l'assommant d'abjurer. Il n'y a plus de délai. Sous les yeux de la victime est un bourreau avec sa charrette. Les voix de Jeanne l'encouragent. Mais Cochon commence à lire la sentence de condamnation. C'en est trop. Elle est à bout de force. Elle s'écrie qu'elle préfère l'aveu au bûcher. Aussitôt, un clerc lui prend la main et la fait signer un acte d'abjuration tout près. De Jeanne, il ne restait qu'une pénitente vulgaire qui allait finir sa vie dans un cachot ecclésiastique. Parmi les Anglais, la colère était grande. On voulait son exécution. « Nous la retrouverons », leur disait l'évêque de Beauvais. En effet, dans la prison, Jeanne prit des habits de femme, car on la maltraitait, on l'injuriait. Par 2 fois, elle avait failli être violée. D'autre part, on lui avait fait des promesses qu'on ne tenait point. Elle restait enchaînée, on ne lui permettait pas d'aller à l'église, aux offices. C'est alors qu'à la voix de ses saintes, elle avait repris ses habits d'homme. Peut-être la mit-on dans la nécessité de les reprendre en lui enlevant ses habits de femme. De ce fait, elle était relapse. Cochon vint constater. Aussitôt, le procès recommence. Le 29 mai, elle est interrogée de nouveau et pour la dernière fois. Elle a retrouvé toute son audace. Elle désavoue son abjuration. Dieu et ses saintes la soutiennent. Renier son abjuration, c'était faire, comme dit en marge le registre du procès, responsio mortifera. Qu'était la vie pour elle après tant de jours de souffrance ? Cependant, Lorsque le 30 mai, le dominicain Martin Lavenu vint lui dire que le supplice se préparait, sa vie, sa jeunesse lui montèrent au cœur. « Hélas, me traite-t-on si horriblement et cruellement qu'il faille que mon corps, net et pur, soit aujourd'hui consumé et réduit en cendres ?» Elle dit à Cochon, « Évêque, je meurs par vous. » À 9 heures, elle partit en longue robe de femme sur une charrette, accompagnée par le dominicain, escortée de 120 Anglais. Elle se mit à sangloter. En la place du vieux marché s'élevait un grand bûcher. Sur le côté, une belle estrade, où était le cardinal de Winchester, Cochon, beaucoup de clergés. Il y eut encore un sermon. Le peuple, les prêtres, Cochon lui-même pleurait. Le greffier Manchon déclare n'avoir jamais tant pleuré de sa vie. Avant le supplice, les hommes d'église se retirèrent. Elle était abandonnée à la justice séculière. Le bailli, sans autre forme de procédure, dit au bourreau de faire son devoir. Jeanne était en prière sur son bûcher, ayant sur la poitrine une grossière croix de bois faite par un de ses gardiens, fixant des yeux une autre grande croix de bois tenue par un moine. Elle répétait doucement le nom de Jésus. Elle le disait encore quand les flammes commencèrent à l'entourer. Puis elle poussa un grand cri, le dernier. On écarta un instant les bois enflammés pour mieux la montrer au peuple tremblant de crainte et de pitié. Ses cendres furent recueillies et jetées à la Seine. La chose étonnante en tout cela, c'est que rien ne fut tenté pour la délivrer et la sauver. Que devenait donc Charles VII? Que faisait son gouvernement? On a cherché à disculper le roi. L'accusation est beaucoup plus forte que l'apologie. Pendant ces longs mois, c'est le silence et presque l'oubli. Charles VII avait accepté les services de Jeanne d'Arc. Maintenant, lui et ses conseillers se laissaient émouvoir par les calomnies anglaises, par le jugement de l'Université de Paris, par les débats du procès. Le chancelier Regnault de Chartres déclarait que la Pucelle était devenue une folle fille, constituée en orgueil, qu'elle ne voulait plus croire conseil, mais faisait tout à son plaisir, qu'il était venu depuis vers le roi un jeune pasteur, gardeur de brebis des montagnes de Gévaudan, lequel disait ni plus ni moins que n'avait fait la Pucelle. L'oubli dura jusqu'en 1450. Alors seulement, à son entrée à Rouen, Charles VII fit entamer le procès de réhabilitation. La paix bourguignonne. Jeanne d'Arc avait délivré Orléans, mais non le royaume. Elle avait fait sacrer le roi à Reims, elle n'avait pas expulsé l'autre roi de France, le roi d'Angleterre. Après elle, il restait beaucoup à faire pour le salut de la France. Cependant, tout ce qui fut fait pendant 22 ans encore procéda d'elle. C'est qu'elle a donné l'élan, entraîné les cœurs, renouvelé les âmes. De 1431 à 1454, la lutte contre l'anglais va être soutenue avec une constance, une énergie digne des meilleurs jours. Le roi lui-même va bientôt sortir de sa mollesse ordinaire. Il retrouve son initiative et sa volonté, surtout quand on l'a débarrassé de la Trémoille. 1433. Il fut alors admirablement entouré. On put l'appeler Charles le bien servi. C'est Dunois, bâtard d'Orléans, fils de Louis d'Orléans, adopté par Valentine Guisconti, l'ami de Jeanne d'Arc, brave, bon, infatigable. C'est le connétable de Richemont, frère du duc de Bretagne, connétable depuis 1425, alors rentré en grâce, rude homme de guerre, exigeant, égoïste, ombrageux, mais patient et tenace. C'est Barbazan, le chevalier sans reproche, Gaucourt, Lahir, Saint-Traille, et bien d'autres souvent peu scrupuleux, mais solides sur les champs de bataille. De 1431 à 1435, ils ne ménagèrent ni leur peine, ni leur sang. Vainement, Bedford avait amené Henri VI à Paris pour le faire couronner. Ce couronnement fut misérable et tourna à la confusion des Anglais. Partout, les troupes françaises se montrent, partout heureuses, sauf de rares exceptions. Il semble que le souvenir de Jeanne d'Arc les encourage et les protège. Anglais et Bourguignons sont toujours malheureux. Ont-ils remporté quelques petits succès? Les effets en sont perdus l'année suivante. C'est ainsi que les troupes royales s'installent à Chartres et à Saint-Denis, tenant de chaque côté Paris. Mais avant que Paris ait été reconquis, une autre victoire fut remportée, et celle-là capitale. Le duc de Bourgogne avait assez de cette guerre. Il la faisait avec constance pour les Anglais et sans avantage pour lui. Le souvenir du meurtre de Jean sans peur commençait à s'effacer. Depuis 1422, le roi négociait avec Philippe. Des trêves fréquentes avaient été conclues. Deux papes, le concile de Bâle, s'étaient efforcés de faire la paix. La rentrée en grâce de Richemont avança singulièrement les choses. Des conférences à Nevers préparèrent un véritable congrès à Arras. Il s'ouvrit le 5 août 1435. Il y eut un mois et demi de pourparlers. Les Anglais y furent d'une exigence extrême. Ils ne voulaient pas se contenter de l'Aquitaine et de la Normandie. La mort du régent Bedford, qui laissait le parti anglais sans chef digne de confiance, acheva de décider Philippe le Bon. Ses conditions furent très dures. Il fallut céder Mâcon, Auxerre, les villes de la Somme, de Saint-Quentin à Saint-Valéry, donner au duc pleine indépendance dans ses états, faire amende honorable pour le meurtre de Montereau. Le traité fut enfin signé le 21 septembre 1435. C'en était fait du parti bourguignon, de la guerre civile, des divisions de la maison des fleurs de lys. La France entière allait être unie contre les Anglais. La reine Isabeau mourut quelques jours après le traité. Les résultats ne se firent pas attendre. Paris était à bout de patience. La domination anglaise y était odieuse. Elle se sentait menacée. Elle devenait exigeante et dure. Les Français étaient à Saint-Denis. Des pourparlers secrets s'échangeaient avec les bourgeois. Enfin, au début de la campagne de 1436, le 13 avril, au lever du jour, Richemont parut devant les portes. À l'instant même, Paris fut soulevé en armes. Les Anglais n'osèrent résister. Ils s'allèrent réfugier à la Bastille, où ils capitulèrent 4 jours après. Quelques mois plus tard, Charles VII venait faire son entrée dans sa capitale, 12 novembre. La fête fut splendide. Mais le passé était trop récent et trop triste. Le roi ne resta pas. Jamais il n'aima cette ville qui lui rappelait de si fâcheux souvenirs. Le royaume délivré. De 1435 à 1444, la lutte continua de tous côtés. Le duc de Bourgogne tente vainement de reconquérir Calais. Le célèbre chef de bande espagnol, Rodrigue de Villadrando, opère dans le Midi, sur la Garonne. La Hire et Saint-Trailles entament la Normandie. Elle n'avait pas cessé de s'agiter sous la domination étrangère. Les documents anglais parlent sans cesse d'hommes et de femmes exécutés comme larrons et brigands, qui ne sont autres que des révoltés et des conspirateurs. De véritables soulèvements avaient éclaté dans le bocage normand, aux environs de Vire, dans la plaine de Caen. Les souvenirs en sont vivants dans les poésies attribuées à Bacelin. Cela durait depuis 1427 à l'état aigu. Dans le pays de Caen, ce fut plus grave encore en 1435. Dieppe se révolta. Des garnisons françaises s'installèrent dans la Haute-Normandie. Mais les paysans, laissés à eux-mêmes, furent battus et massacrés. Charles VII avait manqué l'occasion de recouvrer la Normandie. D'autre part, cette guerre finissait au milieu d'infortunes de toutes sortes. Les années de 1437 à 1439 furent désolées par la famine et une longue pestilence. À ces maux vinrent s'ajouter les ravages des bandes armées, comme au milieu du siècle précédent. Ce sont les écorcheurs. Et la cause pourquoi ils avaient ce nom était que toutes gens qui étaient rencontrés d'eux étaient dévêtus de leurs habillements, tout honnêtes, jusqu'à la chemise. Et pour ceux, quand ils se retournaient ainsi nus et dévêtus à leur lieu, on leur disait qu'ils avaient été entre les mains des écorcheurs. Ils désolèrent l'Artois, la Normandie, la Bourgogne, le Bourbonnais. Après les écorcheurs venaient les retondeurs, puis ce fut la praguerie. Malgré tout, les Anglais ne cessaient de perdre du terrain. Ils étaient épuisés. La perte de Meaux et de Pontoise les chassait des environs de Paris. À l'été de 1442, le roi fit une grande chevauchée en Guyenne et le long de la Garonne. La Guyenne et la Normandie, les deux centres de la défense anglaise, semblaient prêts d'échapper à l'ennemi. Cependant, Charles VII, le 28 mai 1444, accorda une trêve. Il aurait désiré une bonne paix. Mais, aux conférences de Tours, les Anglais avaient encore réclamé la Guyenne et la Normandie en toute souveraineté. La guerre recommença en 1449. Les Anglais avaient, par une convention spéciale, promis d'abandonner le Maine. Puis, le moment venu, ils se refusèrent à livrer le Mans, qu'il fallut occuper de force. Tandis que de sérieuses négociations s'ouvraient pour une paix définitive, la frontière de Bretagne fut menacée et envahie par eux. Ils surprirent la riche ville de Fougères et la pillèrent. Ces perfidies appelaient des représailles. Les troupes royales occupent la frontière normande sur la Seine. Toutes les circonstances étaient favorables au roi de France. Pendant la trêve, une armée royale avait été organisée. Les États avaient accordé une taille permanente pour son entretien. Les Anglais, au contraire, étaient à bout de ressources et démoralisés. Somerset, qui commandait à Rouen, ne se faisait aucune illusion. La Normandie fut la première conquise. L'opération capitale fut le siège de Rouen. Le roi fit appel aux habitants que les Anglais cherchaient à contenir par la terreur. Le meilleur capitaine anglais, Talbot, défendait la place. Malgré lui, l'accord se fait entre Charles VII, qui promet l'amnistie, et les Rouennais, qui ouvriront les portes. Le 9 octobre 1449, pendant la messe, le peuple se soulève, rend aux Anglais la défense impossible. Quelques jours après, Somerset, resté dans le château, capitulait, livrait le pays de Caux et laissait Talbot en otage. Le roi entra le 10 novembre en triomphe et magnificence aussi noble que jamais roi en ville. Le 15 décembre, à Fleurs se rendit. C'était la dernière place anglaise de Haute-Normandie. L'année suivante, une armée anglaise débarqua à Cherbourg et remporta quelques succès dans le Cotentin. À Formigny, le 15 avril 1450, les deux armées se rencontrèrent. Les paysans du voisinage se joignirent aux hommes d'armes de France. 3774 Anglais restèrent à terre. La perte fut de 12 hommes du côté des Français. À cette nouvelle, Charles d'Orléans s'écria « Réjouis-toi, franc royaume de France ! À présent, Dieu pour toi se combat !» Toutes les villes ouvrirent leurs portes. De Caen, Somerset fit voile pour Calais. Les derniers Anglais, au nombre de 1000, évacuèrent Cherbourg le 12 août. Après la Normandie, la Guyenne. Cette conquête était plus difficile. Le pays était anglais depuis le XIIe siècle. Il n'y eut pas d'intervalle dans les opérations militaires. Il fallait profiter de ce que le pays était sans troupes anglaises solides. Blaye capitula le 25 mai 1451. Bordeaux, très anglais, attendit vainement des secours. Jean Bureau, désigné par le roi comme maire de Bordeaux, vint s'entendre avec les habitants. Il fallut leur promettre toutes sortes de privilèges et d'avantages. Le 30 juin, Dunois fit son entrée solennelle. Le 21 août, Bayonne se soumettait également. Il fallut cependant recommencer la conquête. De grandes sympathies subsistaient pour les Anglais dans la Guyenne. Les officiers royaux se montraient exigeants pour les taxes. Un vaste complot s'organisa. Débarqué à Soulac, Talbot entra sans coup férir à Bordeaux, le 23 octobre 1452. La Guyenne fut perdue, sauf Fronsac, Bourque et Blaye. On en recommença la conquête au printemps de 1453. Talbot vint attaquer une armée royale devant Castillon. Les Français étaient décidés à se bien défendre. Tout s'y trouva pour aller vivre ou mourir ensemble. La terrible tempête de l'artillerie, un mouvement de flanc des Bretons, donnèrent la victoire. Talbot fut tué, les troupes anglaises écrasées. Le roi en personne arriva avec une armée de réserve. Au milieu d'août, il commença le siège de Bordeaux. Tout pardon fut refusé aux bourgeois. « C'est notre intention, dit le roi, d'avoir la ville, tous ceux qui sont dedans et leurs biens, à notre plaisir et volonté. » Cependant, on s'arrangea le 8 octobre, moyennant rançon et otages. Le roi ne voulut pas honorer Bordeaux de sa présence. Il n'y avait plus d'Anglais en Gascogne. Comme l'avait dit Jeanne d'Arc, ils étaient boutés hors de toute France. Ainsi finit la guerre de Cent Ans. De la mouvance de France, Calais seul restait aux mains de l'étranger. La reconquête avait été rude et longue. Mais le royaume était bien payé de toutes ses peines. Il avait sauvé son indépendance. Il s'était uni et concentré dans la lutte pour la vie. Il avait pris conscience de lui-même. À travers tant d'épreuves, la France s'est métamorphosée. Le Moyen-Âge a fini, La nation française commence. Fin de la section 13.